Deux pièces d'Alex Nevsky sur l'album De Lune à l'Aube. On a débuté avec Sous les stroboscopes et on a continué ça avec sa demande spéciale, Tristessa. C'est lui qui l'a choisi. Oui, excellent album et je suis certain que ça va être un excellent spectacle ce soir. Alors, soyez-y. Moi, je vais y être. J'ai vraiment hâte. Ça fait comme 2 semaines que j'en parle non-stop. J'ai vraiment hâte. On remercie Alex Nevsky pour sa participation à l'émission. Oui, très plaisant. Et merci à toi pour l'entrevue aussi. Ben merci bien. Bon travail, comme toujours, Stéphanie. Ah, c'était gentil. Vous êtes toujours au palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. On vous a pas parlé des nouvelles entrées qu'on avait cette semaine. On va s'en écouter une tonne dans l'émission. 6 pièces. Il va y avoir Peter, Résistance 2.1 et Jean-Philippe pour débuter ça. Et du côté anglophone, The Dears, Hey Rosetta et Armistice. Mais comme je dis, on commence avec Jean-Philippe en 20e place sur l'album Le Bout du Monde. Voici Envie de rien au 89 FM. Vous êtes au palmarès C'est fou, condensé de la meilleure musique. Still feel you there. Are we tangled?

Oui, je connaissais pas le groupe, mais j'en avais beaucoup entendu parler et j'aime bien. Mm-hmm. Avant ça, on a entendu Résistance 2.1 avec On commence la partie sur l'album Cœur de Néon. Ça, c'est une combinaison de plusieurs personnes, dont Zurung, qu'on a déjà eu dans le palmarès ici, assez fou. Et qui est l'autre personne déjà? C'est la chanteuse Féronne. Vous pouvez télécharger l'album gratuitement en MP3 sur résistance2.1.com. Et là, quand je dis 2.1, c'est 2, point le mot, là, P-O-I-N-T, 1.com. Résistance2.1.com, ça va? Ça va. C'est clair pour tout le monde? Et juste avant Résistance 2.1, on a entendu la nouvelle pièce de Armistice, la pièce Mission Bells. Et au début du bloc, c'était Jean-Philippe avec Envie de rien, l'album Le Bout du Monde. Voilà pour nos premières nouvelles entrées, notre premier bloc. Il en reste un deuxième. On va avoir The Deers en anglophone avec Thrones sur l'album Degeneration Street, la position numéro 18. Et on commence côté francophone avec Peter Peter avec la pièce Oma. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Et reste avec nous parce que plus tard dans l'émission, si on a le temps, on va avoir un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage Rocky et Guess What, la chronique de choses culturellement intéressantes et artistiquement nouvelles. Oui, Mathieu. Dit comme ça, ça a l'air bizarre, mais c'est des nouvelles. Hein? Nouvelles culturelles et artistiques. Voilà. Cultural News, plus tard. Mais pour l'instant, Peter Peter. Je laisserai les marées basses me raccompagner jusqu'à chez moi. J'implorerai le temps qui passe de cesser de passer par là. La nuit est jeune à ce qu'on dit baliverne. La nuit est vieille et périssable. Elle est inflammable. Oh, ma maison qui brûle. Fume ma peau. Oh ma, ma maison qui brûle. Je fume ma peau. Oh ma, oh ma, oh ma. Hoche la gamme, vit chez elle. À me regarder mourir de honte. Il y a à boire et à fumer mes îles. Il n'y a rien à croire. Une tumeur, médaille d'or, a dévoré mes espoirs olympiques. Je n'ose plus sortir dehors. J'ai peur de m'y perdre encore. Oh ma. Ma maison qui brûle, je fume ma peau. Oh ma, ma maison qui brûle, je fume ma bear across. Do you The Dears de l'album Degeneration Street, la pièce Thrones, nouvelle entrée à la 18e position. En va avant. En francophone, on a entendu Peter avec Oma pour Hochelaga Maisonneuve. Hein, c'est sur le maxi Peter. C'est la fin de nos nouvelles entrées. Hein, enfin, 6 nouvelles entrées, c'est quand même bien. Ça se prend bien, ça, je trouve. Ouais, mais normalement, ça nous aurait pris moins de temps que ça. Mais avec l'entrevue, il est tard. On a fini presque la première heure. Il nous reste le temps pour les positions numéro 17. Du côté anglo, on va avoir Christopher Dignan avec Gonna Move. Ça monte de 3 places. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Et du côté franco, c'est Jimmy Hunt avec la pièce Ça va de soi de son album Jimmy Hunt qui baisse de 5 positions. Vous êtes au premier rang, c'est fou au 89 FM. Maintenant, tu dors dans une pièce sans toi. Avec tous tes morts. Ça va de soi. J'ai voulu faire un dessin de toi. J'ai oublié ton visage. Ça va de soi. J'ai entendu dire que tu te mords les doigts et que t'as grossi. Ça va de soi. J'aurais voulu faire mieux que toi, mais je gâche tout, ça va de soi. J'ai longtemps cru que j'étais moins con que toi, mais je te ressens, ça va de soi. Paraît que ton chien est mort dans tes bras. Ton seul ami, ça va de soi. Ça fait longtemps que je me fous de toi. J'ai voulu t'aimer, ça va de soi. Maintenant tu dors dans une pièce sans toi. Avec tous tes morts, ça va de soi. J'aurais voulu faire mieux que toi, mais je gâche tout, ça va de soi. J'ai longtemps cru que j'étais moins qu'en toi, mais je te ressens, ça va de soi. Christopher Dinion avec Gonna Move, position numéro 17, ça monte de 3 places, c'est sur l'album Let the Sparks Fly. Et avant, c'était Jimmy Hunt à la 17e position de son album Jimmy Hunt. C'est la fin de la première heure des Palmarès C'est Fou, mais il y en a une deuxième qui s'en vient avec Panache, Paul Carniello, Jérôme Mignard, Katie Moore, The New Pornographers et The Rural Alberta Advantage. Qu'est-ce qui s'en vient en début de deuxième heure déjà, Stéphanie? Une chronique merveilleuse, okay. Formidable, ouais. Magique. Ça décrit pas mal toutes les chroniques. Non, je trouve pas le mot exact. C'est indescriptible tellement c'est beau. C'est beau et aussi il y a François-Olivier Marchand dedans. Aussi, par le fait même. C'est fou dans vos oreilles. 89. Bon, donc c'est la deuxième heure des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 21 au 27 février 2011. C'est Stéphanie Gagné. Et lui, c'est Mathieu Plante. Et vous êtes les palmiers. Oui, tout à fait. Assumez-vous là-dedans. Là. Vous avez des avez feuilles. Pas le choix. Ben non, c'est de même qu'on vous appelle. Les feuilles, le tronc, les racines. Monsieur, hot des palmiers. Ben oui, c'est beau. Les gens en veulent, puis ils en ont pas partout. Il y en a pas partout des palmiers. J'en ai vu une fois dans ma vie, puis c'était en Alberta. Ah ouais? Oui, dans le Parlement. Le Parlement de l'Alberta a reçu en cadeau des palmiers. C'est un beau cadeau. Ben spécial. Vous êtes toujours pas Palmarès, c'est fou. On est rendu aux positions numéro 16 du côté anglophone. C'est The Rural Alberta Advantage avec Stamp. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Là, ça monte de 3 places. Et avant, c'est Paul Carniello avec la pièce La vérité n'existe plus qui baisse de 2 positions. Et juste après, c'est les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique. La vérité n'existe plus. Le roi et la reine, l'humidité et la haine, des arcs-en-ciel sans couleur, aux gloires de l'empereur, le cavalier et le fou, la peur et le doute, des milliers de rêveurs tombés au chant dans l'un. La vérité, la vérité. Le sang est dans tes yeux, le pouvoir n'est plus dans tes mains. Les temps pour être mieux, tu marches nouveau terrain. Il n'y a pas de vérité, toujours à chercher, avec rien à trouver.

Nice, it's fine de Danko Jones, position numéro 13, anglophone. Juste avant, c'était Jérôme Dufy-Cloutier avec Homme d'instinct à la 13e position francophone. Tu mimais la pièce, hein? Qu'est-ce que tu faisais? Ouais. Ouais. Exactement. Ça, c'est rock. On est rendu aux positions numéro 12, mais en fait, on va faire un de nos très célèbres maintenant, je dirais, célèbre bloc de 8 pièces. De 8 pièces. Un de nos célèbres blocs de 8 pièces. Comment est-ce qu'on fait ça? En sautant pas mal tout là-dedans. Oui, c'est ouais. Ça. On va juste en faire jouer 3 sur les 8. C'est ça. Parce qu'avec. Déjà qu'habituellement, il faut qu'on en skip à peu près 4. Oui. Mais là, avec l'entrevue, il faut passer par-dessus encore plus de pièces. On en saute 6 pas mal en tout, je dirais, dans l'émission d'aujourd'hui. On va sauter par-dessus les 12e places du côté anglo. Ce serait Black Mountain avec Buried by the Blues. Et côté franco, on a entendu du Alex Nevsky tout à l'heure avec 1000 raisons. Alors, on passe par-dessus. C'est à la 12e position côté franco. On va aller en 11e position. On va sauter aussi par-dessus l'anglophone, c'est P.S. I Love You avec Face Love qui descend d'une place. Mais on va tout de suite entendre Martin Léon avec la pièce All In qui monte de 6 places. On parlera assez fou au 89 FM. Cocos et palmiers, le vent chaud les unit. Et quelques perles aussi, quelques perles aussi. Maria, Maria, Mario, en riant, je m'explique en quelques mots. Des jolies femmes et sensuelles, bonnes et méduses quand il le faut. Elle chantait ce refrain pour monter des bateaux et donner de l'entraîne aux matelots. Are you all in for business? 'Cause I'm all in for business too. If you're all in for this, say yes I do. And I, until the end, shall be with you. Business. Héritier de naissance, n'avait guère le sens des affaires et penchait pour les vacances. Débarque sur le port, mira sa montre en or en chantant le feu au corps. Ah, ah. Are you all in for business? 'Cause I'm all in for business too. If you're all in for this, say yes I do. And I, until the end, shall be with you. De l'aurore à la nuit, puis son compte à rebours dans le détour quand il s'est endormi. Les murs de la chapelle, les saints, les confettis chantent encore son naufrage aujourd'hui. Are you all in for business? 'Cause I'm all in for business too. If you're all in for this, say yes I do. And I, until the end, shall be with you. Are you all in for business? 'Cause I'm all in for business too. If you're all in for this, say yes I do. Until the end shall be with you. Business. Business too.

sing, a pain to the mother offering, to hold tight onto the quay, and though she gives it what she takes away, oh. Un célèbre bloc de On saute par-dessus plein d'affaires, mais on en fait jouer quelques-unes. Un bloc de 8 pièces qui a duré quoi, la longueur de 3 pièces. On vient de sauter par-dessus les positions numéro. La position numéro 9, francophone Chroméo avec J'ai claqué la porte, ça descendait de 5 places. Avant, on a aussi passé par-dessus la position numéro 10 du côté franco, c'est Cafard avec la pièce Halogène. Par contre, on a écouté du côté anglophone les positions 9 et 10, Rara Ryan qui vient de jouer avec Massachusetts, et avant, c'était Diamond Rings avec Wait and See. Voilà pour ce beau bloc, hein? Et voilà. Et voilà. On est rendu aux positions numéro 8 de chaque côté et on fera pas jouer Wing and Hollow en anglophone. Ça tombe bien qu'on continue dans la lignée de on fait pas jouer grand-chose finalement. Frozen Trees descend de 4 places. Mais on va entendre Bio Bazar avec la pièce Moon Queen. 4e semaine au palmarès et ça descend de 6 positions. Vous êtes au 89.1 FM, c'est fou dans vos oreilles. C'était pour t'a persuader qu'on avait changé le CD pour celui qui ne saute pas, mais apparemment que non. Et puis là, bien évidemment, au début du bloc, demain, je n'étais pas prêt pour le reste. Hein. Fait que, qu'est-ce que c'est après ça? Ça va être les 7e positions qu'on va entendre. Ça tombe bien parce qu'on devait sauter par-dessus des choses. Puis des fois, les choses adonnent bien. Les incendiaires du côté francophone. Et après ça, on va entendre Tokyo Police Club. J'ai envie de commencer par Tokyo parce que le disque est juste à côté de ma main. Plus pratique comme ça. La pièce Anne of a Spark qui suit à l'instant dans vos oreilles. Et puis, c'était une nouvelle entrée la semaine passée. T'en sors pas mal mieux que moi. Hein. Moi, je patine. Toi, tu fais comme des belles phrases. Oui, ça monte de 11 positions aussi. De l'excellent album Champ. Arrête! On aime ça. T'es-tu sérieuse? Je te jure! Aïe, aïe! We'll be right back. say when. A piece of a pie, the end of a spark. A piece of a pie, the end of a spark. A spark. Les Incendiaires avec la pièce Amant d'immeuble. C'était numéro 1 la semaine dernière. Alors, on a un nouveau numéro 1 du côté francophone, du moins. Oh, du côté anglophone, on a entendu en 7e place Tokyo Police Club avec Anne of a Spark de l'album Champ. C'est la fin de la deuxième heure. Il y en a une troisième qui s'en vient. Et la chronique Guess What de Stéphanie. Oui, ça s'en vient bientôt. Ça va être là-dedans. Il va y avoir aussi en musique Vince Parietter. Il danse avec les genoux. Karim Ouellet, Braids, Wolf and Cub, Atomic Baobab. Alors, restez avec nous. C'est les palmarins, c'est fou. Hein? On devrait réussir à tout jouer ça. Ouais, ça j'espère bien. Ouais. Ah, c'est fou le rodage. C'est la troisième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 21 au 27 février 2011. Elle, c'est Stéphanie Gagné. Lui, c'est Mathieu Plante. Bon retour, les palmiers. Oui, troisième heure. Oui, troisième heure qu'on adore, cette troisième heure. Pourquoi? Parce que Stéphanie va avoir sa chronique. Moi, tu sais, déjà là, tu me combles complètement. Et aussi parce qu'on a les six premières positions de chaque côté. Mais... c'est pas important. C'est juste de la musique. On est rendu aux positions numéro 6. D'ailleurs, pour commencer cette heure, du côté anglophone, c'est Sufjan Stevens avec I Want to Be Well. Ça monte de 10 places. C'était nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, même chose, une nouvelle entrée de la semaine passée qui grimpe de 14 positions. C'est Galaxy avec la pièce Fils 1 de l'album Tiger and Diesel. On écoute ça et après, guess what? C'est le nom de la chronique, là. Je vous parle pas en anglais soudainement. Isolated in I'm not fucking around. Sufjan Stevens avec la pièce I Want to Be Well à la 6e position. Ça monte de 10. On va fucker cette affaire-là. C'est bon. On adore ça, Sufjan Stevens. Adorable. Avant ça, du côté franco, en 6e, c'était Galaxy avec Piste 1. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Ça monte de 14 places sur l'album Tigre et Diesel. Maintenant, avant de passer aux positions numéro 5. Hein? Hein? Hein? Hein? Quoi? Hein? Quoi? Devine quoi? Guess what? Devine quoi? C'est dans... ouais. Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Qu'on se connaît? Guess what? Guess what? Tu sais que c'est pas tout les jeux de mots plates, hein? Non, c'est la fin de l'émission. Moi, j'en tartine tout le long de l'émission. Là, donc, Guess what? C'est la chronique des nouvelles artistiques et culturelles de la semaine avec Stéphanie Gagné. Qu'est-ce qui se passe de bon? Tout d'abord, la semaine passée, j'avais parlé de Radiohead qui sortait un nouvel album, King of Limbs. Eh bien, il est sorti plus tôt que prévu. Il était censé sortir samedi. Il est sorti vendredi. On peut se le procurer de façon digitale au kingoflimbs.com pour le prix modique de 9$. Je me le suis procuré et on l'aura pas tout de suite en version physique. C'est le 29 mars, si je me trompe pas. Et il y a des rumeurs qui courent que c'est seulement la première partie d'un album à deux parties, dans le fond. Il y a plusieurs raisons pour cette rumeur-là. Il y a seulement 8 pièces sur l'album et la dernière pièce s'intitule « Separator ». Et quand on commande l'album, il est inscrit « TKOL, The King of Limbs ouais. 1 ». Ce qui pourrait amener un « TKOL 2 ». Fait que ça reste à voir. Mais pour l'instant, on peut écouter le nouvel album et profiter du nouveau clip aussi pour la pièce Lotus Flower. Un clip en noir et blanc. On voit Tom Muir qui fait une chorégraphie vraiment spéciale. On dirait qu'il est possédé par le démon, mais c'est super bon. Parfait. Si les gens n'ont pas Internet à la maison, ils peuvent écouter l'émission La Saveur du Moment ce soir, jeudi, à 21h. Simon Fitzbé va en jouer quelques pièces et ça rejoue cette émission-là lundi à 17h. Et moi aussi, je vais faire jouer la pièce Lotus Flower et je sais qu'à La Spirale aussi, bon. Il va parler de Radiohead. C'est alors drôle, aujourd'hui, hein? C'est spécial Radiohead. C'est comme si les gens avaient des goûts et qu'ils faisaient une émission par rapport à leurs goûts. Et que des fois, il y avait des goûts qui se ressemblaient assez fous parce qu'on aime le même genre de musique. Genre. Comme la semaine passée, moi et Mathieu Leblanc-Houle, on a tous les deux joué, la semaine passée ou l'autre d'avant, la pièce de The Strokes. Bon. Dans deux heures, deux fois super. La même pièce. On a joué ailleurs. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est mieux pas mal ici, de toute façon. Quoi qu'on en dise, mettons. Hein? Bon, c'est mieux ici. Oui. Ah, c'est ça. Tout à l'heure, on a entendu une nouvelle pièce de Rural Alberta Advantage. C'est un album qui n'est pas sorti encore et ça faisait longtemps que j'avais pas parlé d'album disponible sur extreme.ca. Dans le fond, ils ont comme un poste d'écoute. On peut entendre un album au complet une semaine avant sa sortie. Et cette semaine, c'est leur nouvel album, Departing, qui sort le 1er mars, donc la semaine prochaine. Alors, vous pouvez aller écouter ça sur extreme.ca. Ensuite de ça, TV on the Radio vont être au Metropolis le 17 avril prochain. Ils partent en tournée nord-américaine. Ils ont un nouvel album qui va sortir le 12 avril qui va s'intituler Nine Types of Light. Et on peut déjà entendre une nouvelle pièce. C'est la pièce Will Do qui est disponible sur le somekindofawesome.com. Vous pouvez l'écouter en streaming. Il y a aussi une nouvelle pièce pour les Foo Fighters. C'est la pièce Rope. Encore une fois, sur somekindofawesome.com, vous pouvez aller écouter cette nouvelle pièce-là. Elle est très bonne et j'aime beaucoup les Foo Fighters. Alors, j'attends impatiemment leur prochain album. Ensuite de ça, il y a un nouveau vidéoclip pour Ariel. C'est sur la pièce Mauve, un vidéoclip très années 80. Est-ce que tu l'as vu, Mathieu? Non, pas encore. C'est très années 80. On voit les musiciens qui sont comme derrière. On voit juste leur ombre avec des couleurs très fluorescentes, rose, mauve, jaune. Très, très années 80. Il y a une danseuse sur le beat de la chanson. Et à un moment donné, il y a comme une boucle autour de sa cuisse. Elle détache la boucle et pouf, sa jambe tombe. Il reste juste l'os. Puis elle continue à danser avec un bout de jambe qui est cute. Un os. Ben oui. C'est un peu étrange. Mm-hmm. Mais j'aime mieux ce clip-là que celui de Chargé, qui pourtant est aux nominations aux Junos pour ça meilleur vidéoclip. Ouais, c'est celui avec des fourmis qui bougent partout. Il est comme pas malade, ce clip-là. Je sais pas, c'est un genre, mais il se passe pas grand-chose tant que ça. Ouais, mais enfin bref, j'avais bien aimé ce clip-là. Il y a aussi un allusion à Flashdance. À un moment donné, la fille, quand elle a juste un os de jambe, elle tire sur une corde et à la place d'être de l'eau qui coule comme dans Flashdance, mais là, c'est la peinture jaune. Ah. La danse dans la peinture, c'est bien drôle. T'aimes ça, les affaires quétaines des années 80? Hein? J'adore. Je sais. Pourtant, non, Flashdance, c'était pas si bon que ça, le film. Non. Bon. Trop quétaine. J'aime mieux Dirty Dancing. Imaginez ce qu'était. Oui, c'est ça. Ben oui, Dirty Dancing, c'est quelques crans avant. Hein? C'est quelques crans de moins quétaine. Arrête donc. Ben oui. Bon. Ensuite de ça, aussi un nouveau clip pour Rara Riot avec la pièce Too Dramatic. Ce clip pas très débile. moi, j'ai pas vraiment aimé. On voit la formation qui joue sous un faux ciel étoilé. Là. Okay. Tu vois qu'ils ont joué devant un green screen. Oui, oui. Par ordinateur, ajouté ouais. par après. C'est ça. Fait que là, il y a un faux ciel d'étoiles. Puis après ça, oh, lever du soleil, mais il n'y a pas de soleil. C'est juste un fond genre dégradé orange mauve okay. d'un lever de soleil. Puis après ça, ouf, il y a plein de nuages qui passent à toute vitesse wow. au-dessus de leur tête. Et après ça, il y a des roches qui poussent à terre de façon de couleur multicolore, puis deviennent grises. Puis c'est très étrange. OK. Est-ce que c'est voulu que ce soit mal fait ou est-ce je que. Je sais c'est... pas. Puis en plus, les roches, ils se font en stop motion. OK. Mais tout le reste, les pas. En tout cas, c'est étrange, ramassé d'idées. Une ouais. chance que la chanson est bonne. Oui, c'est une très bonne chanson. Très bonne chanson. Aussi, Black Keys partent en tournée canadienne. Il y a 9 dates au mois de juin et de juillet. Ils vont avoir Cage the Elephant en deuxième partie. Et le 10 juillet, ils vont être au Festival d'été de Québec. Et le 11 juillet, au Centre Bell. Hein? Au Centre Bell. Hein? The Black Keys. Hein? C'est louche. Eh ben, tant mieux pour eux. Je sais pas s'ils vont le remplir, mais non, mais j'imagine qu'ils ont fait leur devoir avant. J'espère. J'espère pour eux. Et finalement, dernière nouvelle... On a des nouvelles de Cillian Caller. J'avais parlé qu'il préparait un troisième album et qu'on allait pouvoir suivre ça sur Internet. Et voilà, son dernier album date de 2008, c'était Bring Me Your Love. Et là, son nouvel album va s'intituler Little Hell. Et ça devrait sortir en juin, si tout va bien. Mais on va écouter une pièce qui date de vraiment longtemps. C'est de l'album Sometimes, son premier album. Et on écoute la pièce Off By Heart à la chronique Guess What? Chanteur préféré. Je te le dis, là, Dallas Green, je trouve que c'est l'homme avec la plus belle voix au monde. Il a une belle voix, c'est vrai. Oui, Dallas Green du groupe Cillian Caller avec la pièce Off By Heart. Heart. C'était dans la chronique Guess What. Et c'est la fin de ta chronique. Merci Stéphanie, c'est oui, ça? On poursuit avec... Oui. C'est ça? C'est ça. C'est des fois, je suis pas sûr. Des fois, c'est continu, non? Non, c'est fini. J'ai rien d'autre à rajouter. T'es sûr? Je suis sûr. Même si je te disais de faire quelque chose, non? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien, c'est correct, c'est super. Alors, on est rendu aux positions numéro 5. Du côté anglophone, on va avoir The Rescue avec Televised. Et du côté francophone, Vanessa Parietar avec la pièce Archipel qui monte de 11 positions. OK, fais tourner des CD sur ton doigt. Sans jamais jouer. 5. Les murs de ton âme. Un autre bloc composé de deux positions de chaque côté, mais on a sauté par-dessus une pièce quand même. On vient d'entendre la formation Un jeu de cheval avec Appartement, ça monte de 11 places. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Et on a passé par-dessus la quatrième position du côté anglophone. C'était Chili Gonzalez avec la pièce Never Stop. Avant ça, c'était les cinquièmes positions de Rescue avec Televised et Vales Parietta avec Archipel. On va passer aux troisièmes positions juste après ces courts messages d'intérêt public. Et après, ben, on va s'amuser. Hein? Allez, danse le hot dog. Danse le hot dog? Fais la danse du hot dog. Ça a l'air de quoi? Je peux te faire la danse du bacon, mais pas la danse du hot dog. Essaye les deux en même temps, voir. Hot dog au bacon. C'est quoi la danse du hot dog? C'est juste la chanson va dire ça, tu vas voir. Le fond, ça s'en vient. C'était un peu long, mais là-bas. Do the hot dog. Restez là, c'est les palmarès, c'est fou. A man needs some hot buns. Ah, c'est fou, la route de l'aise. 89-1. Steph, t'arrives juste à temps pour entendre ta chanson préférée de retour de pause. Ah, je savais que t'aimerais ça. Je la déteste. C'est comme quand t'appelles un petit chien avec des, ou un petit chat avec des... C'est un peu comme ça, cette musique-là. Ça t'attire. Non, du tout. Non? Non. C'est pas comme du catnip où tu te mets à trouler partout à terre et danser le bacon comme tu me racontais. C'est quoi la danse du bacon? Ben oui, mais mime-le à la radio, voir. C'est très bien ça. Mime-le à la radio. Ouais, c'est quoi? C'est t'as dans le dîner à terre? C'est comme être épileptique debout. OK. C'est debout, je pensais que t'es couché à terre. Non. Non. OK. Et la crevette? C'est pas une danse, c'est juste du bacon. Ouais. La crevette, c'est tu mets les mains derrière le dos et tu bouges par en avant, sur les côtés. Comme ça. C'est, oui, ben oui. Super. Bon! C'est le fun de danser à la radio, personne ne nous voit, c'est pas gênant. On apprend des choses en plus, c'est ça qui est le fun. On est rendu aux positions numéro 3 de chaque côté. En anglophone, c'est l'ancien numéro 1, Wolf & Cobb avec 7-7. Donc, on a un nouveau numéro 1 du côté anglo. Et du côté francophone, c'est Il danse avec les genoux avec la pièce La Grande Chef. Tu penses c'est comment danser avec les genoux? Juste te faire aller de gauche à droite les genoux, c'est pas une danse? L'affaire comme ça, là. Ben, vu de même, ouais, c'est beau. Crime, si tu fais bien ça en plus, c'est du talent. Je suis pas capable de le faire. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Je t'en ai boit de l'eau. numéro 3. Pourquoi à une fin heureuse? même si le ciel est noir, on le peindra. Oh. Atomic Baobab avec la pièce Call It Up à la deuxième position, ça monte de une place. Avant, du côté franco, c'était Cardinal avec une fin heureuse, ça monte d'une place. Et c'est sur la compilation Francouverte 15e édition. Il reste seulement les numéros 1. Hein? Les numéros 1, c'est pas beaucoup ça. Pas beaucoup de temps non plus pour les passer. On a le temps, on a le temps. C'est correct. On va y aller. Ah, c'est vrai. J'oublie tout le temps les jeux de mots des numéros 1. Dans ma tête, là, ça passe, là, ça file. C'est comme... comme une... Ben oui, tu me vois venir. Ça fait le mime et tout. C'est comme une météore dans mon ciel étoilé qui est ma tête. Hein? Hein, c'est beau quand même, non? Ça te fait pas disons, chaud au cœur, mettons. Et tu trouves pas ça du tout plate comme, comme jeu de mots. Plate, plate fuck. Ben là, c'est dur de faire un jeu de mots avec plate quand même. T'sais, t'as quand même pas expliqué que ça. Là. C'est le seul mot que tu peux vraiment... C'était pas pire. Ah, tu sais. On dirait que tu me parles dans une autre langue. Ah, Native Speaker, l'album de Braid, t'es vraiment bonne toi aussi. C'est mais mauvais. Ris bien de moi, toi, avec mes jeux de mots, voir. Comme le jeu de mots de c'est quoi, c'est quoi. Ou c'est fou, c'est fou. C'est fou, Red. J'ai vu quelque chose d'étrange qui faisait beaucoup de lumière. Je sais de quoi ça a l'air. Oh, ciel. J'ai vu autre chose qui faisait des mouvements bizarres dans les airs. J'ai besoin d'un dernier verre. Puis qu'est-ce que c'est à l'envers? Puis tu sais, il faut que tu me ranges. T'auras jamais pris ta revanche demain. Oh, ciel! J'ai juré voir des silhouettes dans ma chambre. Me semble, c'est pas dur à comprendre. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je sais comment ça sonne. Je me tiens mieux quand on me donne la prise. Oh, ciel! Une menace venue de l'espace. Comment ça se passe? Toute la planète est en crise. Oh, j'ai peur. Pour passer la fin de semaine à terre. Je t'aime pas. J'ai déjà vu quelque chose de même qui se peut. Y'a des mensonges sur les ondes. Pour moi pis mon cœur sombre. Jamais rien entendu de même. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Y'a des traces au sol. Un objet qui s'envole au loin. Regarde-moi bien. Si c'est faux, mais j'en pars demain. T'auras plus jamais besoin de me faire croire. Attends un peu. Allez, là. Ah, vive les fenêtres mal focussées. C'était le numéro 1 francophone, Karim Ouellet avec Météor. Ça monte de 6 places sur son album Plume. On va se quitter tout à l'heure avec la position numéro 1 anglophone, Braids avec Plat Heart sur l'album Native Speaker qui va monter d'une place. Mais on doit se quitter. Il n'y a rien d'autre. C'est le même. On arrête le show. Parce que là, non, il nous reste un numéro 1. Ah, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Alors, on a aussi à dire qu'est-ce qui s'en vient à ton émission, une pêche en émission, ça suit à 17h pour les auditeurs du jeudi. Oui, mais tout à l'heure, on va avoir une entrevue avec Jean-Michel de Mono Grenade. On va aussi avoir le temps de faire jouer un petit peu de musique. Espérons-le. Espérons-le. La nouvelle pièce de Radiohead, de Lotus Flower, de son album King of Limbs, et du Radio, du Jay Malnowski, plein de bonnes choses. C'était une pêche en mission à 17h, et pour les autres, c'est les mardis. Maintenant, c'est à 14h, juste pour te dire. Ça va être à 14h, ta rediffusion le mardi maintenant. On a déplacé les trucs, et ça va être la spirale juste après toi. Faut que tu le saches aussi, là, pour pas oublier de te le dire plus tard, pour que quand tu feras l'émission... Je le vois sur le merveilleux site, c'est fou.ca. C'est pour ça qu'il est là. C'est fou pour ça. Hein? C'est fou .k finalement. Passez une excellente semaine. On se retrouve jeudi prochain à 13h avec C'était fou, puis à 14h avec les palmarès C'est fou. Les auditeurs du vendredi vont rejoindre les lutins de l'enfer à partir de 20h, donc restez à l'écoute. Et puis moi, il y a lundi matin à 7h aussi, assemblage requis. Hein, assemblage requis, 7h à 9h. Lundi au jeudi. Etc, etc. Hey, on le dit jamais, mais oublie pas d'écouter les meilleurs moments, c'est fou. Hein? Le dîner de con et assemblage requis, combiné seulement le meilleur, la crème, là, c'est le vendredi matin à 6h. On rappelle les samedis à 13h. Merci, c'est pour ça que je le dis jamais, parce que je me rappelle pas de l'heure. On se quitte avec le numéro 1 anglophone, Braids et Plath Heart. Bye, Steph. Bonne émission. Bye bye, merci. Salut.